Go back to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Lemelin et bienvenue à Econophile. C'est rare que j'introduis notre thème, en fait, dans mon mot d'ouverture, hein, mais là, c'est tentant. J'avoue, c'est un peu tentant. Dans quelques jours, on va réunir les plus riches, les plus puissants du monde dans une toute petite ville de Suisse qui s'appelle Davos. On va tenir là le Forum économique mondial. Hein, ça sonne gros, hein, mais c'est gros. Les meilleurs, les plus mieux, les habits les plus chers, les souliers les mieux vernis, les pompes les mieux cirées, les toupettes les plus jaunes, les peaux les plus oranges, la crème de la crème, là, tu sais, ça va se trouver réunis là, à la même place pour parler de nos vies. Oui. Bon, oui, bien sûr, évidemment, business, économie, prospérité, mais aussi du sort de la planète. Ah, le sort de la planète. C'est quand même une belle occasion de se poser des questions franches sur le système économique en tant que tel, sur nos choix. Bon, pas certain qu'on va vraiment se poser les bonnes questions et surtout faire les bons choix, mais on peut, nous, au moins, se poser des questions. Est-ce que le système dans lequel nous vivons est ce qu'il y a de mieux? Hein, tu sais, le top du top. Est-ce que c'est ça? Notre système, ça porte un nom, évidemment, ça s'appelle le capitalisme. C'est le système qui est en place, qui est bien en place et qui domine largement, hein, qui domine tout en fait. Est-ce que c'est le meilleur système? Et là, je ne suis pas en train de vanter communisme ou autre affaire. Changez pas de sujet, là. On parle bien du capitalisme. Pas certain que c'est le meilleur. Mais c'est le plus tough, en tout cas. Il dure, il s'adapte, il a la couenne dure, il se glisse entre les craques du plancher, il perdure, il est là. Mais ça se peut que ce soit la petite planète bleue aussi qui finissent par nous contraindre à se regarder pour vrai dans le miroir, pour nous forcer, pour vrai, à se demander si on peut faire mieux. On pourra dire, oui, mais en même temps, là, l'humanité là, a jamais compté autant de monde éduqué, de femmes qui ont accès à l'éducation, de gens qui ont accès à l'eau, des installations sanitaires, hein, comme le texte de Brousseau la semaine dernière. Là. C'est vrai. Mais c'est ça notre top. Je veux dire, mettons qu'on se dit que notre base, c'est que chacun ait de quoi manger. Pas de luxe, là, mais tu sais, de quoi manger à sa faim tous les jours, OK. Des vêtements normaux, pas des chemises en soie, là, juste de quoi se vêtir et avoir chaud là, quand il fait froid. Bon, OK. Avoir un toit aussi, correct. Bon, pas un palais là, à Mardo Largo. Non, tu sais, un toit, correct. Pas de moisissure dans les murs ou les conduites, là, tu sais, bon. De quoi chauffer, se déplacer, un travail, juste correct, là. C'est la base. Mettons que c'est ça notre base pour évaluer les succès du capitalisme. Bon, ben, si on était, je ne sais pas moi, à 75%, t'sais, 75% des habitants de la Terre qui mangent à leur faim, qui sont habillés, qui ont un toit puis une job, il me semble qu'on jaserait pas pire. Là. C'est pas parfait, là, mais il faudrait que tout le monde soit là. Mais 75%, il me semble qu'on serait pas si mal. Mais le capitalisme, pas sûr qu'il y ait la note de passage. Le 1% le plus riche possède plus de la moitié de la richesse mondiale. Les 8 gars les plus riches possèdent autant que la moitié de la population mondiale. Il y a des milliards d'individus qui vivent avec moins de 2$ par jour, des centaines de millions qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas d'école non plus dans leur secteur, dans leur village. Il y a des centaines de millions qui vivent sous une tôle trouée, des centaines de milliers de travailleurs qui vivent dans des conditions d'insalubrité, dans des emplois dangereux, souvent pour pouvoir d'ailleurs permettre à une multinationale de battre des records à la bourse, pour verser des dividendes records à ses actionnaires. Fait que finalement, le capitalisme est extrêmement sous-performant. Extrêmement. En tout cas, c'est ce qu'on voit là. En fait, ou qu'on veut pas voir peut-être. Alors, je comprends qu'on ne changera pas le monde demain matin, là. Mais si on ne se pose pas ces questions-là, notamment quand se réunissent ceux qui ont les leviers de commande, quand est-ce qu'on va se les poser? En tout cas, il y a ici. Bienvenue à Econophile. Vous voulez nous retrouver sur Internet, les réseaux sociaux, sur le blog, on est là. Vous allez aimer la page sur Facebook pour nous suivre. C'est facebook.com/econophile891. Et puis, pour trouver le blog, deux façons. Il y a le bouton « En savoir davantage » sous le bandeau de notre page Facebook. Ou encore, ben, vous allez sur econophile.net et vous y arrivez directement. Econophile.net, c'est pour lire des textes inspirés de nos discussions ou encore des livres que nous vous présentons. Et puis, il y a aussi la balado qui donne accès aux trois dernières émissions, ainsi qu'à la totalité des émissions. D'ailleurs, dans deux semaines, ça va être la 50e de la section émissions. Jean-Claude Cloutier, bonjour. Oui, bonjour David. Comment c'est fort, correct? Ouais, je t'ai trouvé sévère un petit peu. Ah oui, mais ça me tente, c'est l'occasion. Il n'y a pas beaucoup de place où on peut le faire. Jean-Claude, justement, oui, j'ai mis un petit peu la table. Forum économique mondial et sa réunion annuelle très importante à Davos. Ben moi, je pense qu'elle est particulièrement importante cette année parce que on l'a vu dans le rapport du secrétariat du forum là, qui est sorti cette semaine, tout ce qui menace l'humanité, si on peut dire, la planète, c'est pas jojo. Là. Je regardais ça, puis c'est pas mal déprimant. Ça ressemble à un film d'horreur quand tu regardes le rapport en question. Ben, c'est ça qu'on va faire cette semaine. On va vous dire ce qu'il en est, un peu qui est là, les enjeux. Parler beaucoup, évidemment, des enjeux qui sont sur la table et de la marge de manœuvre dont on dispose plus ou moins, dépendamment des cas. On va parler de tout ça tantôt. Et puis, question de la semaine, Jean-Claude. Oui, c'est une question un petit peu compliquée, mais c'est un peu en lien aussi avec Davos, parce que ça parle d'investissement étranger, investissement étranger au Canada. Je te pose la question, David, ainsi qu'aux auditeurs, ceux qui veulent s'essayer de répondre. Quel est le pays qui arrive en deuxième place? Parce que la première place, on s'en doute, c'est qui? Qui arrive en deuxième place parmi les pays comme principale source d'investissement étranger au Canada? Okay. À qui appartient le Canada, autrement dit? Après les États-Unis, là. Ah, ben, t'allais dire le premier, mais t'as raison. Ben, quel pays vient immédiatement après les États-Unis source d'investissement étranger au Canada? T'as raison, le premier, c'est les États-Unis, mais ça, c'était facile. Le deuxième, c'est plus compliqué un peu. Alors, réponse en fin d'émission. In my pyjamas. I've got 40,000 French francs in my fridge. I've got lots of lovely lira. Now the Deutsche Mark's getting dearer, and my dollar bills would buy the Brooklyn Bridge. There is nothing quite as wonderful as money. There is nothing quite as beautiful as cash. Some people say it's folly, but I'd rather have the lolly. With money you can make a splash. There is nothing quite as wonderful as money. There's nothing like a newly minted pound. Everyone must hanker for the butchness of a banker. It's accountancy that wakes the world around. You can keep your Marxist ways, but it's only just a phase. For it's money, money, money makes the world go round. Ouais, ça me fait plaisir d'entendre ça et Guérette aussi. Hein, ça lui fait plaisir à la mise en onde, bien content. Jean-Claude, le Forum économique mondial, d'abord pour savoir qu'est-ce que c'est. Je suis pas convaincu d'ailleurs que tout le monde connaît le nom. On sait qu'il y a le Forum économique mondial, on sait que c'est à Davos. Il y a des chances que pour la plupart, ça s'arrête là. Oui, ben peut-être dire que c'est la 48e édition cette année. Donc, ça fait quand même plusieurs années que ça a lieu. Et c'est inventé ou mis sur un pied par un universitaire, M. Schwab, là, de probablement un Suisse-Allemand, pour s'occuper, dans le fond, pour faire un forum, littéralement un forum, une réunion pour des spécialistes, pas des spécialistes, mais des politiciens, mais aussi des spécialistes universitaires. Il y a même des fois des vedettes de la culture, des chanteurs comme Bono qui vont là. En fait, un peu toutes sortes de monde, des financiers aussi, des industriels, pour faire un peu constater c'est quoi les principaux problèmes de la planète et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les régler éventuellement. Enfin, se donner des mots d'ordre. Évidemment, c'est pas une instance décisionnelle, mais on essaie de sensibiliser les participants. Et indirectement, on sensibilise la population mondiale aussi. Moi, je suis peut-être un peu plus sympathique que toi d'avoir la réunion en question parce que je pense que c'est une des seules réunions de ce genre-là. Si on met de côté l'ONU, puis si on parle aussi de l'anti-Davos, qui est le forum social mondial de Porto Alegre. Maintenant, c'est d'autres villes aussi. C'était à Montréal il y a 2 ans. Mais c'est parmi les rares occasions qu'on a de prendre connaissance, pas juste entre politiciens et d'autres acteurs sociaux et politiques et académiques, des principaux problèmes. Puis moi, je pense que de plus en plus, il y en a des problèmes qui nécessitent une intervention globale. Alors, et l'ONU semble pas être en mesure de régler ces problèmes-là. Donc, c'est pas mauvais qu'une autre instance permette d'en parler. Ouais, effectivement. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de monde. Juste pour vous donner quelques chiffres, là, on parle d'environ 3000 participants. Il y a 1200 chefs d'entreprise, plus de 50 responsables politiques du monde entier. Pas beaucoup de femmes, hein, à peu près 20% dans le lot. Quoi qu'il y en a qui sont plus importantes, n'est-ce pas? Madame Merkel, je présume que quand elle parle, ça paraît. Je ne sais pas si ça va être là, par contre. Ah, je ne sais pas. Hein? Ben, on a dit, que j'ai lu dans la presse cette semaine, qu'il y avait quand même plusieurs participants du G7. G7, ça doit être 7 pays, j'imagine. On a déjà Donald Trump qui doit être là, M. Macron, Mme May, voilà une femme, bon. Et M. Justin Trudeau, okay. qui est sûrement très... Après Québec, c'est maintenant Davos pour Justin Trudeau. Tout à fait. Donc, une réunion, oui, bon, effectivement, c'est peut-être plus... Mais en même temps... Je concède que c'est une réunion qui est importante, qui réunit, qui est une occasion unique de pouvoir se parler. C'est surtout que on est face à face, il n'y a pas beaucoup d'intermédiaires. C'est pas très souvent qu'on se réunit tout le monde en même temps. Ce qui m'encourage, je te dirais, puis c'est peut-être ce qu'on pourrait aborder, c'est quand même les thématiques. Quand on a le au moins qu'on prend la peine de parler de la planète aussi directement. Puis c'est peut-être ce qui m'a frappé par rapport aux éditions précédentes. Il y a toujours quelque chose qui m'intéresse au travers. Mais là, il y a quelque chose de singulièrement attirant là-dessus. Là. Tu as raison, parce que, vous me traitez un peu, pas vraiment une anecdote, là, mais un souvenir. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de Davos, je pense que c'était avec l'ex-premier ministre Robert Bourassa. Je pense que ça devait être des années 80, qui disait que lui, il en faisait comme une espèce d'obligation en tant que chef politique du Québec d'aller là. Mais on comprenait que M. Bourassa, c'était faire du lobbying, essayer d'attirer des entreprises au Québec, intéresser des industriels mondiaux au potentiel du Québec. Mais on a l'impression depuis quelques années, et notamment cette année, que l'agenda, là, pour prendre un anglicisme, en tout cas les préoccupations d'ordre climatique, environnemental, social également, là, au sens des inégalités, des fractures sociales, des problèmes politiques aussi, prennent le dessus sur le strict économique, si tu veux. J'ai juste un petit extrait, si tu me permets, de journal pour parler justement de ces préoccupations-là dans le Devoir 18 janvier. Le monde entre dans une période critique, prévient Davos. L'humanité entre dans une période où les risques sont intensifiés. C'est le forum lui-même, là, avertit le Forum économique mondial dans son rapport 2018, dont tu glissais un mot tantôt, un document qui insiste sur la multiplication des crises environnementales, des affrontements politiques et économiques, mais aussi des risques de guerre impliquant de grandes puissances. Il n'y a pas de surprise, mais c'est qu'on le dise aussi directement, c'est inspirant. On parle du Global Risk Report, qui est celui qui fournit ces données-là. Le Forum économique mondial a d'ailleurs souligné que ce nouveau rapport met en évidence de nombreux domaines où nous poussons les systèmes jusqu'à leurs limites, que ce soit en provoquant un taux trop élevé d'extinction des espèces, une réduction trop importante de la biodiversité ou en nous dirigeant vers la possibilité de nouvelles guerres. Les risques environnementaux conjugués à une vulnérabilité croissante à d'autres risques menacent maintenant sérieusement les fondements de la plupart de nos biens communs. On dirait même pas un texte qui vient de Davos. Non, mais dans ce cas-là, c'est un texte d'un journaliste, mais c'est effectivement, ça a fait référence à un rapport du secrétariat. Je dois dire en passant que moi, comme économiste, j'apprécie beaucoup le fait que l'équipe de Davos, en fait, les fonctionnaires qui sont attachés au forum, produisent des données extrêmement intéressantes depuis très longtemps sur des comparaisons entre les potentiels économiques des différents pays dans le monde. Je trouve qu'ils font une œuvre utile là-dessus. Ça, encore une fois, je me répète, mais c'est un peu une des rares institutions, finalement, qui envisage les problèmes socio-économiques, environnementaux, d'une perspective globale, tu sais. Puis, qui touche à différents sujets. Il ne se limite pas à l'économique, il ne se limite pas à l'environnement, il ne se limite pas au social. Tout ça est globalement, puis il essaie de pondérer, de dire qu'est-ce qui est le plus important dans tout ça. Cette année, le thème est important, le thème de Davos. Moi, il me rejoint beaucoup, c'est que comment construire un avenir commun dans un monde fracturé. Ça, je trouve ça. Moi, je pense que c'est là qu'on en est présentement. Et puis, Davos, le forum de cette année, la rencontre de cette année, permet de prendre conscience collectivement, de dire, là, présentement, avec la montée des populistes, des crises d'identité, les mouvements migratoires, les menaces environnementales, le retrait des États-Unis comme leader mondial, on se dirige vers un monde de plus en plus fracturé, où chacun est tenté, chaque pays est tenté de s'isoler. Et je pense que c'est vraiment pas ça l'avenir de l'humanité. On est plutôt dans une étape dans l'histoire de l'humanité où il faut, au contraire, travailler ensemble. Et ça, moi, je trouve ça intéressant et positif que le thème de cette année semble remettre en cause ces multiples fractures qu'on est en train de constater dans le monde présentement. Oui, c'est ça, parce qu'au moins, on se met pas la tête dans le sable et on le dit directement et on parle effectivement clairement de nouvelles vagues de populisme qui menacent l'ordre social, disent-ils. Donc, on est conscient de ça. Moi, quand on parle de populisme, c'est sûr qu'on doit pointer du doigt Trump. D'ailleurs, son arrivée, la première fois, avait été aussi soulignée. On craignait ça. On pourra en parler tout au long de l'émission, mais il reste que on est obligé de dire que c'est un acteur fondamental et que ses réactions étant imprévisibles, on se demande aussi ce que ça pourra donner à Davos. Ben, la seule affaire qui me rassure un peu, c'est que j'ai lu à quelque part qu'il était prévu pour être à la fin du forum. Ah, ça, c'est une bonne idée, ça. Plutôt qu'au début. Je pense que t'allais dire on va le piquer ou je sais pas quoi, là. Non, mais il reste que c'est, mais c'est juste quand même. Puis moi, je serais pas surpris que Trump, là, quoi, qu'il plutôt porté à faire à sa tête d'habitude. Mais l'an passé, ça avait été très significatif parce que Xi Jinping, le président chinois, s'était présenté à Davos puis il avait un peu rassuré tout le monde en disant il n'avait pas nommé Trump, mais il avait dit tout le monde comprenait ce qu'il voulait dire. Les États-Unis sont en train de se retirer du multilatéralisme, sont en train de jouer America First, là, de voir là, juste maximiser. Ils sont en train de renoncer, dans le fond, aux échanges internationaux de libre-échange. Et Xi Jinping avait fait une défense qui avait été très remarquée dans le fond, du libéralisme économique, des échanges économiques entre les pays. Parce que moi, c'est certainement ce qui m'attire beaucoup plus que les autres cette fois-là, c'est que on a comme un constat qui nécessite du travail en commun avec une réalité où on se fractionne. C'est incompatible. Donc, il faut absolument qu'on se parle, il faut absolument qu'on agisse, et c'est là qu'on espère qu'il pourra sortir quelque chose de ce forum-là. En tout cas, me semble-t-il. Sinon, si on poursuit, Jean-Claude, remise en cause du modèle du libéralisme économique de l'après-guerre, c'est ce que permet un peu cette réflexion-là autour de Davos. Bien, comme on le disait tantôt, Davos, ça permet d'aborder différents éléments, pas juste économiques, mais notamment économiques. Fait que peut-être on pourra aborder d'autres éléments tantôt, mais notamment, effectivement, je pense que ceux qui organisent le forum de Davos sont bien conscients que présentement, et notamment avec M. Trump, mais pas seulement M. Trump, mais un peu partout dans le monde présentement, il y a une tentation de revenir à une espèce d'isolationnisme, une espèce de protectionnisme, là, de dire on va d'abord se sauver nous-mêmes en tant que pays avant que d'essayer de collaborer avec les autres. Dans le fond, c'est une remise en cause. Puis ça, pour des gens comme ceux qui organisent le Forum de Davos, c'était un peu une remise en cause du système qui avait été mis en place à Bretton Woods à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1946. On avait créé une série d'institutions qui voulaient justement miser sur le multilatéralisme, c'est-à-dire qu'on n'avance pas tout seul, on travaille avec les autres pays, on met en place des accords de libre-échange, pas juste entre deux pays, comme M. Trump semble le souhaiter présentement, mais entre tous les pays participants. Puis ça s'appelait à l'époque l'accord général sur les tarifs et le commerce. Ça a été transformé en 1990 et que l'Organisation mondiale du commerce. Mais ça, ce que ça dit finalement, c'est que plutôt que faire des accords entre deux pays, on fait des accords qui englobent tous les pays. C'est-à-dire, quand je vous accorde un tarif préférentiel à mon voisin, mais ça s'applique à tous les autres pays participants à l'Organisation mondiale du commerce. Donc, on avance de façon commune, de façon générale, de façon multilatérale, littéralement. Et toutes les institutions d'après-guerre, c'était ça parce qu'on voulait éviter l'erreur des années 30 où avec la crise économique amorcée en 1929, les pays avaient remonté les barrières tarifaires pour se protéger. Tous les pays pensaient en termes d'America First, tout le monde au Canada First ou Great Britain First. Ça a eu pour effet que le commerce mondial a diminué d'à peu près. Il a diminué des deux tiers finalement à l'espace de 4-5 ans seulement. On voulait éviter ça après la guerre, puis on s'est dit, puis ça va être favorable à la paix aussi, parce que si les pays échangent entre eux, ils vont être moins tentés de faire la guerre. Ça semble avoir fonctionné dans les pays développés, en tout cas, parce que des guerres comme la deuxième ou la première, on n'en a pas eu depuis 70 ans maintenant. Mais là, ce qui inquiète certaines élites internationales présentement, c'est qu'on remet M. Trump et d'autres pays aussi remettent en cause cet ordre multilatéral, c'est-à-dire cette façon de fonctionner qui est globale, qui s'applique à tout le monde. On veut revenir à des façons de faire qui, on veut juste s'avantager nous-mêmes, puis on se fout un peu de ce qui se passe avec les autres. Fait que c'est ça qui est un peu à l'ordre du jour présentement quand on dit qu'on veut s'attaquer à la remise en cause là, du modèle de libéralisme économique. Libéralisme économique et politique aussi, parce qu'il y a des mouvements de plus en plus antidémocratiques un peu partout dans le monde. T'sais. Qui peut peut-être faire une différence positive en termes de multilatéralisme là-dedans? L'Europe a beaucoup d'intérêt, d'autant que le poids américain est énorme, et c'est un peu contre ça qu'ils vont essayer de lutter, ou en tout cas de faire contrepoids dans une certaine mesure. Ben c'est ça. Je pense que l'impression qu'ils vont sortir des données, au cours des discussions, ils vont sortir l'idée qu'un peu que je rappelais tantôt, à savoir rappeler que si tout le monde essaie de sauver tout seul, ben tout le monde va être perdant finalement. L'expérience du cas des années 30 a bien montré que à montrer des barrières. Là. Dans le fond, c'est un peu curieux parce que c'est un drôle de retour de l'histoire. Ça veut dire qu'on revient. Ça a pris deux guerres pour que l'ensemble des pays, enfin les pays développés à l'époque, là, parce qu'il y avait encore un peu de colonialisme à l'époque, pour se rendre compte que ce qu'on appliquait depuis 300 ans, c'est-à-dire le mercantilisme là, ou le colbertisme, diraient les Français, c'est-à-dire de toujours vouloir maximiser les exportations puis importer le moins possible, essayer d'avoir toujours une balance commerciale favorable, finalement, tout le monde finit par être perdant avec ça. C'est-à-dire, tes consommateurs, d'abord, dans ton produit, sont perdants parce que tu exportes tes biens ailleurs puis tu n'en profites pas, puis tu mets des barrières pour empêcher l'importation des autres pays. Fait que tout le monde est perdant. Là, on avait fini par comprendre ça après 300 ans. Puis là, il y a comme une inquiétude dans le monde présentement parce qu'avec Trump et certains autres de ses comparses, on est en train de revenir. on a comme oublié les leçons du passé, finalement. Et c'est ça que l'objet, finalement, de la rencontre de cette année. Oui, bien d'ailleurs, de toute façon, Trump oublie ce qu'il a dit la veille, donc c'est plus ou moins étonnant qu'on soit capable d'oublier le passé. Juste une petite pause musicale, dans quelques instants, on revient. On va parler du Canada et de l'OMC dans quelques secondes. Spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone. Juste pour mettre la table un peu là-dessus, je vais vous lire un extrait de l'article « Mauvais signe pour le commerce asymétrique », exactement de ce dont on parle. « Le Canada n'a pas ou n'a plus le choix, c'est selon, mais décrier l'ensemble de l'œuvre protectionniste de Washington auprès d'une organisation mondiale du commerce déjà qualifiée de désastre par Donald Trump n'est pas annonciateur de jours heureux pour le multilatéralisme asymétrique. La plainte du Canada contre les États-Unis a été déposée à l'OMC le mois dernier. Elle a été rendue publique mercredi au lendemain d'une énième décision défavorable rendue par le département du commerce américain, touchant cette fois le papier journal canadien, hein, on en a entendu parler. Elle a été accompagnée d'informations provenant de sources généralement bien informées, évoquant un retrait des États-Unis de l'accord de libre-échange nord-américain, hein. Ça revient. Rétorsion ou pas, l'évolution de ce contentieux canado-américain dévoile au grand jour tout le déséquilibre du rapport des forces en présence et confirme les limites, voire l'impuissance de l'OMC à y faire contrepoids. L'OMC est dans la mire de Donald Trump depuis la dernière campagne présidentielle, mais ses assises sont fragilisées depuis belle lurette. Effectivement, il y a un contexte qui lui permet aussi quand même de brasser la cage, hein. C'est ça qui arrive. Hein. Bien, je vais me faire un peu l'avocat du diable indirectement, parce que dans la préparation de l'émission cette semaine, j'ai vu plusieurs articles là, d'un type, d'un économiste assez connu là, de l'Université d'Harvard, là, et qui... Danny Roderick d'Harvard, qui de plus en plus, lui, ce qu'il dénonce dans le fond, il dit Trump, le phénomène Trump est arrivé parce qu'on a mal appliqué ce qui avait été convenu à la fin de la Deuxième Guerre. Bon, on a mal appliqué les accords de Bretton Woods parce que c'était bien beau faire des échanges commerciaux multilatéraux entre les différents pays, baisser les barrières tarifaires, libéraliser le commerce le plus possible. Mais ce qui venait avec ça, c'était qu'il fallait prendre des mesures pour permettre aux ouvriers affectés, aux travailleurs affectés, de se réadapter. Puis on voulait, faudra surtout aussi s'assurer que les bénéfices, les gains provenant du libre-échange, ça profite à tout le monde. Alors ça, on a fait des beaux discours, on a dit oui, ça va profiter à tout le monde, mais dans la pratique, c'est que ça s'est beaucoup concentré chez les propriétaires des grandes entreprises, des multinationales. Certaines élites intellectuelles y en ont profité. Ils ont multiplié les voyages internationaux à Davos ou ailleurs. Mais on a oublié de faire en sorte, finalement, même, parce que ça faisait partie du modèle, ça, au départ. On a oublié de faire en sorte que les gains, enfin, il y a un trickle-down, pour prendre une expression que tu aimes bien, oui, une espèce de oui. ruissellement qui se fasse vers le bas. Alors, lui, il est un économiste, je tiens à le souligner, de Harvard, assez connu, assez réputé. Lui, il dit, c'est pas parce que t'as pas de mauvaise idée, le multilatéralisme, mais on l'a pas appliqué. Mm-hmm. On s'est organisé, finalement, pour que les accords profitent surtout au grand capital, puis on a oublié de faire en sorte que ça profite vraiment à l'ensemble des citoyens, puis on a oublié aussi de tenir compte du fait que les normes n'étaient pas partout les mêmes dans différents pays, puis que donc, il aurait fallu s'organiser pour que les multinationales ne se localisent pas dans des pays en voie de développement, tout simplement pour profiter de normes salariales inférieures ou de normes environnementales inférieures. Fait qu'il y a des choses, finalement, il y a des garde-fous qu'on ne s'est pas donnés, il y a des principes qu'on n'a pas respectés. Oui, c'est un peu comme les analystes qui disaient, après la défaite d'Hillary Clinton, essayer de vaincre et d'atteindre la présidence, on disait, après tout, on peut bien se plaindre de Donald Trump, mais si Barack Obama, tout ce qu'il avait fait, avait parfaitement fonctionné comme Hillary Clinton, c'était le changement dans la continuité, elle aurait passé comme ça. C'est pas ça qui s'est passé. Donc, il y a quand même quelque chose de brisé et ouais. quelque chose qu'il fallait réparer. On a choisi ce gars-là. C'est un mécanicien comme un autre, là, mais... Ouais. Ben, c'est ça. Lui, là, paradoxalement, Roderick, il en arrive quasiment à la conclusion. Il dit, ce serait peut-être pas mauvais de revenir à un certain protectionnisme économique pendant un petit bout de temps, si c'est le prix à payer pour éviter le protectionnisme politique, c'est-à-dire l'isolationnisme, ouais. des mesures, en fait, des gouvernements autoritaires, des gouvernements de plus en plus antidémocratiques qui se moquent, qui respectent pas institutions, finalement. On va en reparler à la fin de l'émission parce que dans l'actualité, ça tend à nous expliquer et à démontrer les risques que ça peut comporter, mais dans quelle mesure le Canada est vraiment un peu dans le trouble quand ça se passe, ce genre de choses-là? Bien, le Canada est dans le trouble pour la raison suivante, c'est-à-dire que, justement, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, entre autres, c'était justement prévu pour que les règles juste soient les mêmes pour les grands pays et pour les petits pays. Ouais. Le Canada est plutôt un pays d'importance moyenne, là, mais c'est sûr qu'on est 10 fois moins important en termes économiques que les États-Unis. Donc, la mise de côté des règles de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, on en est rendu compte cette semaine, le Canada s'en sert un peu comme un tribunal d'appel, dire « je me fais maganer par les Américains, est-ce que vous pourriez condamner les Américains? L'OMC pourrait-elle condamner les Américains, faire en sorte que je sois rétabli dans mon bon droit, finalement? » Mais le paradoxe, c'est ça le problème, c'est que Trump, lui, ça le fatigue, l'OMC, parce que ça l'empêche, justement, en principe, de faire ce qu'il veut, puis il accepte pas qu'il y ait un tribunal au-dessus des États-Unis qui dise, là, les États-Unis, vous avez pas le droit de faire ça, vous avez pas le droit de mettre des droits compensateurs contre des avions ou contre du papier journal ou contre le je sais pas trop quel produit canadien, finalement. Exact. Il se donne des moyens en dehors. Et pour juste reprendre ce que tu dis pour continuer, il faut savoir que l'OMC, que vous voulez comprendre vraiment pourquoi il est haï, là, il faut savoir que l'OMC censure les abus manifestes commis par l'administration américaine dans sa mise en œuvre des instruments de défense commerciale. Les États-Unis ont été condamnés dans 89% des 129 plaintes instruites contre eux. Ça en dit quand même long, mais en même temps, on ajoute aussi qu'ils ont remporté 91% des 117 procédures qu'ils ont initiées eux-mêmes. Donc, il y a quand même un mécanisme qui leur dit de mettre les breaks, là. Ben, Trump a de la misère à comprendre ça. Il accepte pas ça. Lui, il dit, écoute, on est un pays souverain, là. On est un pays souverain, puis là, on n'accepte pas qu'il y ait une espèce de tribunal qui fasse de l'arbitrage. Là. Dans le fond, autrement dit, ce qu'il veut dire, il dit, dans le fond, ce qu'il pense probablement, c'est que le pays, c'est la première économie mondiale, puis je ne veux pas que personne d'autre m'empêche de faire ce que je veux. Dans la vision trumpienne du monde, où les déficits commerciaux sont le résultat, non pas de la politique macroéconomique et de l'absence d'épargne intérieure, mais des accords négociés par des incapables, ses prédécesseurs, l'OMC est la mère de tous les accords. C'est l'émission Econophile qui se poursuit au 89.1, CKRL. C'est David Lemelin au micro, en compagnie de l'économiste Jean-Claude Cloutier, Éric Dorreur à la mise en onde. Nous parlons du Forum économique mondial qui se déroulera dans la très gauchiste ville de Davos, en Suisse, du 23 au 26 janvier prochain. Jean-Claude, fallait quand même aborder aussi la question des déséquilibres qu'on explique dans une certaine mesure depuis tantôt, mais qui permettent d'aborder certains sujets intéressants. Ben oui, je fais le lien avec tantôt. J'aurais pu continuer en disant que c'est toujours l'économiste là, Roderick de Harvard, parce que je trouve qu'il explique bien, dans le fond, pourquoi que Davos arrive à un moment critique, au moment de remettre en cause, dans le fond, les grands arrangements qui avaient été faits depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il dit notamment l'Organisation mondiale du commerce, à l'époque, c'était l'accord général, ses tarifs et le commerce, il était prévu que les pays ne demeurent pas en surplus ou en déficit commercial indéfiniment. Là. Tu peux avoir un déficit ou un surplus pendant une couple d'années, mais il dit là, présentement, il serait très urgent qu'on revienne à une espèce d'équilibre, parce que les États-Unis, ça fait pas 40 ans maintenant qu'ils sont en déficit commercial. C'est-à-dire, puis... Déficit commercial étant, pour le définir, je ne sais pas... Déficit commercial étant que tu importes davantage que tu exportes. De ça, tu seras toujours avec un déficit. Puis ça alimente un peu la hargne de M. Trump, parce que lui, il dit, c'est à cause que les autres trichent. L'ALENA, ça a été mal négocié. Les Chinois manipulent les taux de change, ils subventionnent, etc. Alors que lui, Roderick, qui dit, puis il n'est pas le seul à dire ça, là, c'est tout simplement c'est que les États-Unis, dans le fond, ils sont en déficit commercial, mais ils se font financer par le reste de la planète. Au niveau du commerce de biens et de services, il importe davantage qu'il exporte, mais c'est compensé par le fait que les Chinois, les Japonais, peut-être des Canadiens, même en tout cas un paquet d'autres pays, leur financent leur déficit en achetant des bons du Trésor américain. Donc, ça a été rendu possible parce que depuis l'administration Nixon, on avait parlé l'hiver passé un petit peu, quand Nixon a déconnecté le dollar américain des réserves d'or. C'est-à-dire que les Américains, maintenant, ils peuvent imprimer des dollars américains tant qu'ils veulent. Fait que c'est comme ça qu'ils achètent sans arrêt des produits à l'étranger sans devoir, dans le fond, accumuler en échange, sans devoir vendre des produits en échange. Donc, il y a une espèce de déséquilibre qui fait que les autres pays sont un peu complaisants. Ils achètent des bons du Trésor américain, ce qui permet, dans le fond, justement, d'augmenter la masse monétaire, la masse de dollars américains. Ce déséquilibre-là, il dit, c'était pas comme ça que c'était prévu. Il faudrait le plus tôt possible revenir se donner des garde-fous pour obliger les Américains à équilibrer leur balance commerciale, exporter autant qu'elles importent, puis les autres pays la même chose. Mais encore, il y a une question de consommation, parce que les États-Unis, ça consomme beaucoup. D'ailleurs, ils se font dire consommer, gênez-vous pas, certes, mais il y a peut-être aussi un regard à jeter de ce côté-là. Bien, c'est ça, oui, mais je voyais justement qu'il y a des observateurs qui disaient que depuis une quarantaine d'années, il semble qu'il y a un pays que ça... Sa philosophie, sa stratégie consiste à maximiser la consommation, c'est-à-dire les Américains, alors que des pays comme la Chine, l'Allemagne, le Japon de certaines époques, eux autres, ils misent plutôt sur la production. Oui, c'est-à-dire ils veulent augmenter leur production. La production, ça veut dire des emplois, dans le fond. Ça fait que tout le problème vient un peu de là, puis puis Trump a beaucoup exploité ça en disant... Il oublie de dire, évidemment, que les Américains consomment comme pas d'autres humains sur la planète, mais ils mettent plus l'accent, lui, sur le fait qu'on a perdu des emplois avec ces déséquilibres-là. Donner un exemple, si tu permets, David, c'est que depuis une quinzaine d'années, c'est la Chine et l'Allemagne qui accumulent le plus de surplus. Les Américains, on vient de le dire, là, sont en déficit depuis une quarantaine d'années. Puis l'Allemagne, c'est quand même dramatique. Là, c'est 10% du PIB, le surplus commercial. C'est énorme, là. La Chine, ils ont baissé un petit peu depuis quelques années parce qu'ils favorisent davantage la consommation intérieure, mais c'est un pays tellement grand que leur surplus est encore à 2% du PIB, je pense. Ça fait quand même mal aux États-Unis. Là. Et la Chine, d'ailleurs, dans la série d'articles que tu m'as envoyé, je trouvais ça intéressant aussi. Je ne savais pas que c'était à quel point, quand on dit que la Chine, les travailleurs pauvres qu'on exploite pour pouvoir faire de la production de bébelles, ça aussi, c'est en train de changer. C'est pour ça que l'acteur chinois lui-même, en tant que tel, est en train de changer. Ouais, ben, ça veut dire, oui, c'est ça, notre bloc actuel, on parle de déséquilibre. Un des déséquilibres, c'est, on pourrait appeler ça des changements aussi. Il y a un changement de pôle économique qui s'est déplacé des États-Unis vers la Chine. Les États-Unis sont encore très importants, mais on sent que la montée en puissance de la Chine est très importante, mais également, la Chine est en train de changer qualitativement. C'est-à-dire, c'est pas juste des bébelles, c'est de plus en plus des biens ou des services de plus en plus sophistiqués, de plus en plus élaborés, faisant davantage appel aux connaissances spécialisées, finalement. Et les salaires, d'ailleurs, en Chine augmentent, si bien que c'est eux qui sous-traitent, c'est eux qui vont aller qui délocalisent, c'est eux qui vont faire affaire aux autres, avec l'Inde, entre autres, notamment, qui devient un acteur important là-dedans, parce qu'on continue de bien exploité en Inde. C'est assez frappant, mais juste pour vous donner une petite idée, ça m'avait fait quand même, waouh, c'est spectaculaire. Le salaire horaire en Chine a atteint l'équivalent de $3.60 US en 2016, soit un bond de 64% en 5 ans. On est rendu pas loin, mais vous voyez qu'il y a 64% quand même en 5 ans, donc on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ce qu'il y a aussi, évidemment, c'est que on pourrait mentionner moi, ce qui m'avait frappé dans ce chiffre-là, c'est que la Chine, le salaire horaire moyen atteignait celui de certains pays d'Europe, dont le Portugal, les pays, certains pays méditerranéens. Puis, le même article mentionnait que dans des pays comme le Brésil ou le Mexique, là, le salaire moyen est en baisse. Le salaire horaire moyen est en baisse, là. Fait que tu vois, c'est un déplacement des forces économiques puis des avantages économiques. La Chine est un pays de production à bas salaire. Ça devient de moins en moins le cas. C'est encore un peu le cas, mais ça devient de moins en moins. Puis ceux qui sont pour les pays à bas salaire, ben ça va être maintenant l'Inde, évidemment, qui est beaucoup plus inférieure à la Chine. Puis même le Mexique et le Brésil, pour prendre ces deux exemples-là, deviennent plus compétitifs par rapport à la Chine. Parce que la Chine a fait beaucoup mal au Mexique. Le Mexique a beaucoup souffert de la concurrence de la Chine à un moment donné. Juste pour vous donner une petite idée pour clore ce segment-là, on indique dans l'article qu'en Suisse, un travailleur d'usine gagne en moyenne $42.50 de l'heure, comparativement à 70 sous pour un Indien. Écoute, hein, tu sais, quand tu parles d'écart, est-ce que tu... C'est pour ça que le forum de Davos devrait peut-être se produire à Delhi, ça sera très utile pour ça les Indiens. Ça leur ferait du bien. D'ailleurs, ils sortent pas souvent de Davos, je pense qu'il y a New York une fois, 2002, puis je me demande s'il y en a d'autres. Je me souviens de New York, là, par cœur. Je me souviens pas de ça. Oui, il y avait New York, mais c'est à peu près tout. Est-ce qu'on poursuit dans le point suivant, la révolution numérique, ce serait peut-être l'heure de procéder, parce que s'il y en a un des sujets qui revient, qui occupe beaucoup l'actualité, c'est bien celui-là, l'effet sur... de la révolution numérique sur le marché du travail, sur les revenus des gouvernements, même sur la concurrence aussi. Et Dieu sait qu'on en parle de ce temps-là. Bon, c'est fondamental comme réalité, là. On en a parlé à quelques reprises ici au cours de l'émission. Même la semaine passée, on l'a mentionné un peu, là. Je pense qu'il y a un besoin présentement. Pour les grands les gouvernements dans le fond de discipliner ou d'encadrer davantage les grands réseaux monopoleurs là. On a parlé la semaine passée, c'est l'acronyme GAFA là qu'on verbe gaffer ou passer simple là, Google, Amazon, Facebook puis Apple là. C'est très très préoccupant pour la... Toi, t'appelles ça le capitalisme. Eux, ils appellent ça l'économie de marché. C'est très préoccupant parce que l'économie de marché, ça fonctionne mal quand des secteurs entiers sont aux mains d'un monopoleur. Puis là, c'est de plus en plus des monopoleurs dans leur domaine respectif. Amazon, là, plus ça va, plus qu'ils contrôlent l'ensemble du... pas l'ensemble, mais une très forte partie du commerce de détail. Puis les moteurs de recherche sont contrôlés par Google. Mais imagine, tu te présentes là-bas et tu te plains de ça, parce que c'est vraiment le contexte idéal, entre autres Amazon qui fait une surenchère pour essayer d'avoir le paradis et encore plus. Et en même temps, on pourrait te répondre, vous vous plaignez de ça, mais en même temps, vous êtes nombreux à avoir appliqué là-dessus. Vous voulez avoir Amazon. Ouais, ben ça, on en a parlé la semaine passée, puis moi, ça me scandalise. Je pense que j'ai l'esprit, l'âme trop sensible. Moi, ça me scandalise totalement, ça, c'est cool. C'est parce que il y a quand même quelque chose on va peut-être revenir sur le sujet de la semaine passée qu'on a traité brièvement, là, mais il y a quand même, ça s'est toujours fait, ça, que on essaie d'attirer des investisseurs étrangers dans la Rivière-du-Loup, à Québec, ou à Montréal, ou à Ottawa. Ça, c'est normal. Mais moi, ce que j'ai trouvé là-dedans de très particulier, c'est la compagnie elle-même qui dit, je vais me mettre aux enchères, tu sais, ça, qu'on n'avait jamais vu ça. Et je me répète, là, je l'ai dit la semaine passée, mais moi, j'en reviens pas que ça a été... On en a très peu parlé au Québec, finalement, à quel point c'était un peu curieux, en tout cas, questionnable comme façon de procéder. Bon, scandaleux, ça serait pas trop comme... Mais de toute façon, en plus, on va en reparler un peu tantôt. Je vais en profiter pour... pas me moquer. C'est pas drôle ce qui se passe à Montréal, mais c'est assez navrant, mais en même temps, quoi faire d'autre que de s'en moquer un peu. Si on poursuit là-dessus... il y avait aussi la question de protection des renseignements personnels, parce que si on parle de préserver la concurrence à l'échelle internationale, essayer de faire en sorte de lutter en gang contre ces grands monopoles, il y a aussi une très vive inquiétude par rapport à la protection des renseignements personnels. On le sait, c'est facile, puis c'est des choses que ces gens-là eux-mêmes ne comprennent pas de toute façon. Je ne suis pas sûr qu'à Davos, on parle beaucoup de ces problèmes suscités par la révolution numérique, mais quand même, il reste que Davos puis le Forum économique mondial, c'est une occasion de se préoccuper de problèmes d'envergure mondiale, planétaire, et ça, à mon avis, ça n'est un problème majeur. Tu l'as mentionné brièvement tantôt, il y a le problème également des problèmes par rapport à la fiscalité, par rapport aux finances publiques, parce que on se rend compte ici, même au Québec, encore au Canada, des chiffres sont sortis cette semaine, le commerce en ligne, là, c'est autant d'argent que les gouvernements perdent, là, et il va falloir que les gouvernements s'entendent. sont chiffrés d'ailleurs, ils peuvent le dire. Ça, c'est quand même étonnant, là. C'est quand même incroyable. Là. C'est plus que la taxe Netflix. Netflix, c'était déjà scandaleux, mais là, l'ensemble du commerce, c'est beaucoup plus d'argent que ça. Alors, je pense qu'à Davos, peut-être pas cette année, mais en tout cas, tôt ou tard, il va falloir qu'ils se préoccupent entre gouvernements. Comment est-ce qu'on s'organise pour perdre... pour aller chercher l'argent auquel on a droit, finalement, qu'il faut collecter auprès de ces grandes entreprises-là. Parce que ça qui est en train de se produire, avant, quand les entreprises avaient une usine à quelque part, c'était peut-être facile, j'ai un point de savoir, pouvoir les taxer, mais maintenant, ils sont un peu dans le nuage, dans le cloud, c'est pas trop où est-ce qu'ils sont. Il faut trouver une façon des taxer et puis de répartir, les attraper. Est-ce que tu as terminé ce point-là? J'irai peut-être aux autres déséquilibres. Allons-y. Parce que quand on parle de déséquilibre et d'enjeux planétaires aussi, je ne sais pas jusqu'à quel point on va parler cette occasion-là d'évasion fiscale. C'en est un enjeu. Pour moi, la concurrence fiscale, parce qu'encore là, on dit, on veut pas qu'on en fasse, mais en même temps, viens chez nous, je suis très avantageux. On parle des deux côtés de la bouche. Oui, l'évasion fiscale, la concurrence fiscale, le maraudage, c'est ce dont on vient parler avec Amazon. Je sais pas si, comme je disais tantôt, je suis pas sûr qu'il en parle. Il y a bien d'autres sujets à parler cette année, mais tôt ou tard, je pense à un enjeu planétaire qu'il va falloir parler. Moi, pour les autres enjeux, c'était plus justement le rapport dont on a parlé à l'entrée de l'émission. Là, sur plus les aspects climatiques, environnementaux et autres. Et honnêtement, le rapport, là, si nos auditeurs ont le cœur solide, là, allez voir le rapport de Davos, du secrétaire de Davos, ça vaut la peine. Puis, on trouve sur le site du Forum économique. Il y a un tableau, là, c'est absolument incroyable. Tout ce qu'ils mettent, il y a peut-être une quarantaine d'enjeux, là, puis vraiment, dans lequel ils montent, ils mesurent dans le fond quels sont ceux qui sont les plus probables, puis ceux qui risquent de générer le plus d'impact négatif. Et ça, ce qui arrive en tête de liste, c'est vraiment les événements climatiques extrêmes, c'est les tornades, puis les inondations, puis les sécheresses. Puis à l'autre extrémité, là, t'as des affaires comme la déflation. Ça, faut montrer que c'est pas rien que les économiques sont importants là-dedans. Ce qui est le moins important pour eux autres, c'est des phénomènes économiques comme la déflation puis ou l'inflation. Parce que les deux, il y a quelques années, on avait peur, dans le fond, que les prix baissent trop vite. Puis des fois, on a peur que les prix montent trop vite. Mais ça, c'est ce qui inquiète le moins le secrétariat de Davos. Ce qui les inquiète le plus, là, c'est des choses comme les cyberattaques, mais aussi les conflits entre grandes puissances. Ça, c'est important parce que probablement encore là, sont influencés un peu par la bellicosité de M. Trump, mais ça revient vraiment dans leur discours qu'on commence à avoir peur qu'il y ait des conflits armés entre grandes puissances. Évidemment, on passe pas nécessairement à Kim Jong-un quand on parle de grandes puissances. Ça peut naître d'autres, là. C'est dans la mer de Chine, là, ou en Corée, là, avec la Chine, là, ça pourrait faire des flamèches. Effectivement. Et puis, pour les questions environnementales, on pourra dire que s'ils rejoignent en partie ce discours qui vient beaucoup de ceux qui défendent notamment le développement durable en disant, tu sais, à un moment donné, il faut avoir l'honnêteté de regarder les ressources, la disponibilité qu'on a devant nous. Est-ce que le train de vie, notre façon de produire est viable à long terme? La réponse, c'est non. Donc, il faut s'en rendre compte. Puis, on a des sonnettes d'alarme qui nous le disent. De toute façon, notre surproduction crée un réchauffement planétaire qui fait en sorte qu'on a des problèmes qui se multiplient. Est-ce qu'on va vraiment l'admettre? Parce qu'on pourra aussi leur répondre à eux. Bon, ben vous dites que vous avez conscience. Certes, allez-vous changer? c'est sûr qu'il se produira pas. Il n'y aura pas des grandes décisions qu'on a prises. Puis même s'il y en avait, on l'a vu au sommet de Paris il y a 2 ans. Oui, ça se défait. Il y a des grands engagements, ça ne veut pas dire qu'il y aura une suite. Mais moi, je pense... Moi, ça me rassure quand même de voir qu'on va prendre 3 jours pour discuter des problèmes de la planète. Puis c'est important. Puis je pense que indirectement, ça sensibilise la population mondiale. Donc ceux qui votent pour les gens qui sont en place, qui élisent les gens qui sont en place présentement, je pense que c'est utile. Mais on risque d'être déçus encore une fois. Mais il reste que garde. Les espèces menacées, c'est un autre des éléments qu'ils ont introduit là-dedans. Et les espèces marines, autres espèces également. Biodiversité, oui. Biodiversité a été identifiée parmi les experts consultés comme une menace, un problème grave là, qui menace la planète présentement. Je dois dire d'ailleurs que ce rapport-là qu'on vient de mentionner, là, qui donne un peu l'image de l'enfer, c'est quand même 1000 experts universitaires. Là. C'est pas des kidam là, au coin de la 3e avenue ici. Là. C'est pas nous autres. Là, non, OK, bon, d'accord. C'est 1000 experts dans le monde, des experts académiques là, qui sont penchés là-dessus et qui ont vraiment identifié ça comme étant des préoccupations graves. Non, mais j'admets quand même que s'ils sont nombreux, ne serait-ce qu'à sonner des cloches, réussir à réveiller un temps soit peu, ne serait-ce que les Américains, que Donald Trump, surtout les Américains, je ne suis pas sûr qu'ils pensent pas tous comme lui, de toute façon, on le sait, avoir conscience des changements climatiques et arrêter de niaiser avec ça. Déjà, on va faire un pas de géant. Ça ne veut pas dire des décisions demain matin, mais en même temps, il y a des décisions importantes qui se prennent maintenant, qui ont une influence et qui auront une influence déterminante. Peut-être, si tu veux, est-ce que tu avais d'autres points? Sinon, je vais lire un peu. Non, ça va, ça va. Pour clore ce segment-là, je vais en profiter pour lire une partie de l'article de François Brousseau, parce que la semaine dernière, il nous parlait de hein, « Tout va bien, c'est merveilleux ». Ça avait l'air à te décevoir, d'ailleurs. Ça me décevait parce que quand je le lisais, je me disais, là, les arguments qui me venaient en tête sont dans cet article-là. Je disais, OK, je suis pas fou. Mais je le disais, oui, c'est vrai qu'il y a du plus. Mais il me semble qu'il y a beaucoup de moins. Il y a du plus, mais il y a du moins. Alors, ce qu'il a signé cette semaine, c'est de mal en pis. Moi, je pense qu'il t'avait entendu à l'émission. Il m'a entendu déprimé, hein, ça se peut. Alors, le monde va de plus en plus mal. Les raisons de croire à la catastrophe appréhendée sont nombreuses et plausibles. La démocratie paraît mal en point. La présidentielle de 2016 aux États-Unis a accouché d'un monstre. Dans plusieurs pays, les formations extrémistes obtiennent des succès inédits et des démagogues ont le vent dans les voiles. Malgré le recul des disettes alimentaires depuis le début du siècle, le spectre de la famine réapparaît aujourd'hui en Somalie, au Yémen, au Soudan du Sud. C'est des affaires de même que je pensais, moi. L'ère Trump coïncide avec le retour de la grande peur nucléaire. En 2017, avec les échos de la crise nord-coréenne, l'hypothèse d'une utilisation de la bombe atomique est soudain devenue moins absurde. Et puis, il y a l'environnement, la planète, l'équilibre écologique menacé. La plupart des habitants de la planète sont aujourd'hui en meilleure santé, vivent plus longtemps, sont mieux éduqués et ont davantage accès aux biens et services qu'en 1990. Mais à quel prix pour la planète Terre? Une Terre qui finira bien un jour, mais le plus tard sera le mieux. Mais le vrai danger est plus proche et ne s'appelle pas refroidissement. Le réchauffement anthropique, l'épuisement des ressources sont-ils inéluctables et catastrophiques, ce qui annulerait tous ces beaux progrès à l'orée du 22e siècle. Alors maintenant, section actualité, quand je disais tantôt que les choses dont on parle qui sont des thèmes importants à Davos, ben c'est dans l'actualité tout plein, vraiment. Vous l'avez sans doute vu passer, mais je vais le relire rapidement. Montréal et Amazon, c'est fini, hein, ça s'est terminé. Déjà, on le disait la semaine dernière que ça se présentait mal. Montréal n'a pas été retenu dans la liste des 20 villes candidates pour un deuxième siège social d'Amazon en Amérique du Nord. Toronto est la seule ville canadienne à s'y être taillée une place. Dans sa proposition de plus de 150 pages quand même, l'organisme Montréal International mandaté pour piloter le dossier vantait notamment la main-d'œuvre qualifiée de la métropole dans le secteur des technologies, de l'information, de vastes emplacements disponibles pour répondre aux besoins du géant américain, les infrastructures de transport en commun, ainsi que les nombreux crédits d'impôts et incitatifs fiscaux proposés par le gouvernement québécois. Malgré tout cela, c'est mort et Amazon a répondu, affirme, en fait, ils disent avoir évalué 238 propositions venant d'un peu partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Tu sais, quand on dit, là, on a beau dire que c'est scandaleux, mais ça vous tente. Non, absolument. pas surpris quand même que Montréal... Moi, je suis pas surpris du tout. Pas vraiment surpris, mais écoute, il est en compétition avec 238. Mais moi, dans le fond, c'était un peu machiavélique parce qu'Amazon, là ça, la vraie négociation commence. Il en reste 20. Ouais. Fait que ces 20-là vont être portés là, vraiment à dérouler le tapis rouge, puis les poignées chromées, puis etc. Ça. C'est un minimum. D'ailleurs, petit clin d'œil, parce que ça m'amusait, c'était à peu près dans le même moment où on publiait cette nouvelle-là. On parlait de, tu sais, quand on parle d'excès, là, on parle de dérouler le tapis rouge pour Amazon. Je sais pas si vous avez vu passer ça cette semaine. Le promoteur Broccolini qui vient de mettre la main sur un des terrains les plus en vue à l'entrée du centre-ville de Montréal pour la somme faramineuse de 100 millions de dollars. Mmh. Un terrain de 135 000 pieds carrés est bordé par le boulevard Robert Bourassa, la rue Saint-Jacques, la rue Notre-Dame et la rue Gauvin. Il donne sur la nouvelle entrée de la ville, l'ancienne autoroute de Bonaventure, devenue un boulevard urbain aux œuvres d'art monumentalistes. Et on a répondu à cela, c'est du jamais vu. Tu sais, quand on est dans... C'est ça, on est dans les excès total. Ce qui m'amène maintenant de parler, Jean-Claude, de 286 000 emplois menacés, rien de moins. Quand on parlait des risques de se mettre les États-Unis à dos, c'en est un exemple. Une exigence des États-Unis menacerait 286 000 emplois. Donc, et ça, c'est parce qu'on parle d'augmenter le seuil de minimis, ce que je connaissais pas, le seuil en dessous duquel un produit importé est exempté de taxes de vente et de droits de douane. À 200 $, on veut que ça soit à 200 $ ou plus, comme l'exigent les États-Unis dans le cadre des négociations de l'ALENA. Et ce qui pourrait entraîner la perte, et là, on a fait des calculs, il y a une étude qui a été réalisée, qui pourrait entraîner des pertes de 286 000 emplois. On parle pas de travailleurs. On parle de travailleurs aux revenus modestes et ayant des options limitées sur le marché de l'emploi qui feraient les frais de ces pertes d'emplois. C'est pas super jojo comme nouvelle, ça, ben franchement. Non, par contre, juste peut-être mentionner que l'étude a été commandée par le Conseil canadien du commerce de détail. Alors, c'est vraiment des gens qui sont... Oui, je comprends que tu payes sur le crayon. Je comprends que tu payes sur le crayon. Mais il reste que, oui, ça peut peut-être expliquer un peu. Mais moi, le fond, indirectement, c'est un peu bizarre, mais ce qui me surprend là-dedans, c'est qu'en principe, on est dans le libre-échange des États-Unis. Puis là, on dit, c'est-à-dire qu'on fait augmenter le seuil d'exemption des tarifs douaniers, dans le fond, de 200, de 20 $ présentement. Ouais. Si vous achetez pour moins de 20 $ vous n'avez pas de tarif douanier. Mais au-delà, vous en avez, sur certains produits, en tout cas, il faudrait monter le seuil à 200. Aux États-Unis, le seuil est déjà à 800 $ aux États-Unis. Donc, c'est pour ça que des grands distributeurs là, comme Amazon ou eBay ben, disent, écoutez, là, Canada, ouvrez les frontières aussi, là, baissez vos tarifs. Alors, c'est un peu bizarre, mais oui, c'est inquiétant parce qu'on sait de toute façon, indépendamment de que si cette mesure-là se met en place ou pas, déjà présentement, le commerce de détail au Canada a beaucoup de difficultés. Là. Les grandes chaînes ou même les petits commerces ferment à tour de rôle. Donc, c'est préoccupant. Il n'y aura peut-être pas 286 000 emplois, mais même s'il y en avait seulement 100 000, ça ferait déjà mal. Pour ça. Le gouvernement, évidemment, les chiffres sont probablement aussi soufflés en masse à l'hélium, mais on parle du gouvernement fédéral qui pourrait perdre 5,7 milliards de dollars en revenus de taxes de vente, de droits de douane et d'impôts des entreprises et des travailleurs dès la première année de la hausse. Donc, ce qu'on comprend que le gouvernement a énormément à perdre aussi là-dedans. Oui, c'est ça. Fait, c'est tout le même problème, c'est que le Canada, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, mais notre principal client est de loin, notre principal partenaire commercial, c'est les États-Unis. Donc, des fois, ça fait notre affaire, mais des fois, c'est comme je pense qu'à l'époque, il disait, là, quand tu dors avec un éléphant, si l'éléphant se retourne, là, fais attention. Ça fait mal. Ça peut être dangereux, en tout cas. On fait une petite pause, on revient dans quelques secondes. Quelle voix, ça? Wow! T'as envie de te coller l'oreille sur le haut-parleur. Merci d'avoir laissé un peu, c'est bien. Donc, Jean-Claude, pour clore cette semaine, le chiffre de la semaine, une question intéressante. Quel pays vient immédiatement après les États-Unis comme source d'investissement étranger au Canada? Donc, c'est qui notre ami, là, ou ami, en tout cas celui? Que tu en penses, toi, David? J'ai pas regardé la liste, hein. J'ai même pas triché, tu vois. Qu'est-ce que je pourrais dire? Qui c'est qui investit à part les États-Unis si beaucoup? Je sais pas. C'est pas évident. C'est les Pays-Bas. Pays-Bas, ça. OK. Ouais. J'aurais dit grande, ben, j'aurais dû risquer Grande-Bretagne de dire un chiffre quelconque, là, mais... Mais il faut dire que c'est loin derrière les États-Unis. Okay. Puis honnêtement, ça me surprend un peu, moi. C'est pas, ça me surprend. Mais regarde, les États-Unis, c'est 47 % des investissements, investissements étrangers au Canada en 2014. Les chiffres de 2014, c'est 352 milliards. Ça veut dire à peu près le PIB du Québec. Là, qui est, c'est l'équivalent du PIB du Québec, l'investissement américain au Canada. Les Pays-Bas, c'est 77 milliards. Donc, c'est quand même 5 fois moins. C'est 20 % des Américains. C'est 10 % du total des investissements. Après ça, tu as le Luxembourg. Mais ça donne déjà une idée, c'est parce que ça, c'est l'investisseur immédiat. En réalité, quand tu vas voir, il y a des investisseurs britanniques ou autres, ou européens ou américains qui partent via le Luxembourg pour investir au Canada. Je sauterais peut-être en 7e ou 8e position. Puis ça, c'est vraiment surprenant. La Chine, c'est seulement 16 milliards, 2 % des investissements étrangers au Canada. Contrairement à l'impression qu'on a souvent que la Chine est en train d'acheter un peu la planète, incluant le Canada. C'est drôle parce que j'allais dire Grande-Bretagne, j'aurais dû. Puis sinon, j'aurais guessé la Chine. Mais là, j'aurais été à côté complètement. C'est très surprenant. Moi, j'aurais dit la Chine et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est rendu assez bas. Il est rendu 5e ou 6e position là-dedans. Donc, en fait, la principale nouvelle, c'est un peu ça. La principale nouvelle, on le savait déjà, mais ça confirme que les États-Unis, là, c'est vraiment notre partenaire, même des investissements. Donc, à qui appartient le Canada? Il appartient aux États-Unis en bonne partie. Comprenez-vous mieux pourquoi l'ALENA, c'est stressant? Comprenez-vous pourquoi l'OMC, ça fait mal? C'est exactement ça. Oui. Merci beaucoup, Jean-Claude. T'en prie. Alors voilà ce qui termine notre émission pour cette semaine. Merci beaucoup, Jean-Claude. Hein? Merci pour collaboration en recherche. Et puis, merci, un grand merci à Guérite Doreur pour la mise en onde. La semaine prochaine, on vous parle d'un livre que moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. L'imposture néolibérale. Ah, le titre me charme. De Jean-Claude Saint-Onge, que nous aurons en entrevue d'ailleurs. Manquez pas ça. Votre vie va changer. Bonne semaine. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à écouter en balado. Visitez econophile.net. Merci et à samedi prochain.